350 mètres, je devrais m'arrêter. Si une voiture arrive, de ma droite, réponse A. De ma gauche, réponse B. Si aucune voiture n'arrive, oui, réponse C. Non, réponse D.